Bonsoir, vous voici de nouveau dans la machine à son. Et vous avez entièrement raison. Et là, j'ai fait péter l'enregistrement, je vais me faire engueuler après que ça sature. Enfin, c'est pas grave, c'est la machine à son, tout est permis. Donc ce soir, nouvelle émission de la machine à son. Alors figurez-vous, ce soir, on était parti, parce que j'ai réussi à calmer quand même les élucubrations du professeur. On était parti sur la parade. Et oui, ce monsieur le professeur voulait nous faire ce soir une émission parade. Donc il me dit, voilà, on va faire en fait l'émission, le chaînon manquant entre Eric Satie et Jim Morrison, Soft Parade et Parade. Ouais, j'ai dit oui, je comprends pas ce que tu veux me dire, explique-moi. Bon, il m'a expliqué. En fait, voilà, il a découvert la vie tonitruante, extravagante, étonnante d'Eric Satie. Ah là, il n'en est pas revenu. Et oui, comme beaucoup de gens, il ne connaissait que les morceaux plutôt calmes, lents, piano, main droite, main gauche, etc. Et en fait, il a découvert que il n'y avait pas que ça, mais loin de là. Parce que le professeur a beau être quand même un musicologue averti, il a quand même un certain nombre de lacunes, et notamment en musique française contemporaine. Donc je rappelle pour les ignares, Eric Satie, fin 19e, début 20e, à fond, d'absinthe, 70 degrés, donc il est mort jeune, voilà. Et ce qui est bien dommage, parce que en pas tant de temps que ça, il a fait quand même pas mal de choses intéressantes, je dois l'avouer. Donc voilà, le professeur, il est resté bloqué, parce que Parade, c'est le truc le plus célèbre, en fait, le plus disruptif, qui est sorti de la tête d'Eric Satie. Et voilà, et puis là, il a découvert que Eric Satie, oui, en 1916, voire un peu avant, c'était un vrai freak, pire que les mecs des années 70, à côté Morrison, c'est un enfant de cœur. Et oui, il consommait pas la même chose, mais quelque part, il était plus dans l'air du temps, alors que l'autre était complètement à côté des préoccupations de son époque, voilà. Donc d'où voilà cette espèce de vénération. Alors bon, je l'ai calmé parce qu'au départ il m'a dit c'est bon, je t'ai ramené de la musique de cirque, machin, on va faire ça, les acrobates, parades, des coups de flingue avec de la musique de western, enfin bref, tout un tas de trucs un peu. Je me suis dit bon, ça va pas forcément vous plaire. Alors je sais pas si ce qu'on fait d'habitude ça vous plaît, mais bon, si vous êtes encore là, c'est que ça vous déplaît pas tant que ça. Donc voilà, donc j'ai réussi à le calmer. Après bon, le passage avec les Doors c'était sympa, mais enfin bon, voilà, tout le monde allait s'endormir, même si c'est le soir. Bon, c'est bien que vous teniez quand même jusqu'à 23h pardon. Et donc voilà, donc je l'ai calmé quand même. Donc on a réussi à trouver un compromis. Donc vous allez avoir un peu d'Eric Satie, mais vous allez avoir aussi un petit peu de, si j'osais, je dirais d'Eric Satire. C'est-à-dire voilà, le Eric Satie qui aurait pu vivre après, s'il était né après, si ses parents s'étaient rencontrés plus tard, enfin, etc. Enfin bref, voilà. Peut-être, hein, parce qu'en fait, bon, au final, ils sont peut-être plus calmes et plus orthodoxes que était le bonhomme. Donc voilà. Petite introduction à cette émission de la machine à son. Parade. C'est parti. Thank you. pas mieux dormir plutôt que de vouloir savoir fermer les yeux et s'endormir sans se chercher dans un miroir parce que nombre sans visage la nuit au Louvre est de passage. Ils voudront tous tenter le sort et savoir qui est Belphégor. Est-ce un vampire, un voleur d'or? Et quand on pense le tenir, il s'évapore dans le décor, ou bien il frappe et donne la mort. Il aurait mieux valu dormir, aimer, rêver, ne rien savoir, fermer les yeux et t'endormir. Apprends bien garde à Belphégor. Ce météore de la nuit noire, tu crois que tu vas le saisir, mais quand on est, on veut savoir, et quand on sait, on peut mourir. Crois-tu, petite, qu'il soit très sage d'ôter le masque des visages? Ah, méfie-toi de l'eau qui dort et du secret de Belphégor. Qui peut savoir ce qu'est une femme à qui l'on a volé son âme? Oui, tout arrive et pire encore, et même qu'elle soit Belphégor. Thank you. Vous êtes toujours dans la machine à son. Ce soir, c'est parade. Là, on va passer un répertoire un petit peu plus rythmé, on va dire. Mais par contre, avec des paroles d'une moralité exemplaire. Si vous ne connaissez pas bien l'anglais, vous ne maîtrisez pas la langue de la perfide Albion, il s'agissait bien sûr d'un refrain qui voulait dire je m'en dis, j'emprunte ou je vole. Et je vole. Et oui, la machine à son, c'est une émission à mettre entre toutes les oreilles. <t'en> down the street with my pile of boots. Gonna see me happy. Le professeur, lui aussi, est vachement fier de ses pompes. Et ouais, c'est juste qu'en fait, c'est des, vous voyez, des espèces de grandes pompes de clown, là, bien rondes au bout, super longues, taille, enfin, pointure, allez, 55-60. Et voilà, c'est vachement pratique pour marcher. Il m'a dit, par contre, pour la natation, c'est cool, il gratte tout le monde. Bon, c'est une drôle d'idée. C'est le professeur, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Entrez, mesdames et messieurs, la parade de la machine à son, c'est par ici. See you in the future. See you in the future. See you in the future. petit à petit, l'animal s'introduit dans mon oreille, gratte à la porte s'ouvre. À l'intérieur, il fait chaud, il y a du monde, de la fumée, et ça danse. Thank you. font preuve de bon cœur. Je chante pour Ben Barka. Oh mon frère. Je chante pour Lumumba. Oh mon frère. Je chante pour Kennedy. La sous-terre. Je chante toutes les conneries de la guerre. Si vous mentez un jour avec vos pieds, je marche sur une chevelure en gilet. J'ai cotillard et dessous et peut-être vite ces derniers quelques centimètres. Mauvaise tête, mais bon cœur. Mauvaise tête, mais bon cœur. Les gens font preuve de bon cœur. Je chante toutes les conneries de la guerre. Je chante pour la pilule, le démêle. Je chante la fin des jeunes de nos frères. Et moi je mange pour deux. Oh mon frère. Ce moche qui s'est passé au Vietnam, mon frère. C'est moche qui s'est passé à Harlem, mon frère. C'est moche la bombe atomique, mon frère. C'est moche qui s'est passé pour Ben Barka. C'est moche qui s'est passé pour Lumumba. C'est moche qui s'est passé pour Kennedy. Les guerres sont des conneries. Ça fait partie de la vie. Mauvaise tête, mais bon cœur. Mauvaise tête, mais bon cœur. Mauvaise tête, mais bon cœur. Mauvaise tête, mais bon cœur. Mauvaise tête, mauvaise tête, mais bon cœur. C'est un peu le résumé du professeur, ça. Yeah. Le professeur est un personnage plutôt hygiéniste, mais alors quand il s'agit de celle de ses disques, c'est la misère. Petits et grands, vous l'avez compris, c'est la fin de la parade. Les clowns vont rentrer dans leur petite maison en carton bleu et les spectateurs vont enfin pouvoir se coucher et faire de bons rêves. Donc ce soir, dans la machine à son, vous avez entendu derrière Parade d'Eric Satie, interprété par le Minneapolis Orchestra, dirigé par Antal Doraty, le fabuleux. Avant ça, Les Barons, Last Night, avec une petite saleté sur le disque. Bravo, professeur. Pourtant, lui, il se lave à la pierre ponce, hein. Mais alors, c'est Scud, laissez tomber, quoi. Avant Les Barons, les Upsetters d'Adi, donc pas les Upsetters de Jamaïque, d'autres, d'Amérique du Sud, plutôt. D'Afrique du Sud. Basil and the Peck News Group, ou mon frère, fabuleux. Brian Odger, Judith Scull and the Trinity, Trump, c'est pas tout à fait les mêmes. The French Fries, danse à la musique, à savoir que les French Fries, c'est Sly and the Family Stone, mais avec un nom Frenchy. Mobile, Basic Dark One, Future Punks, X, avec le X. See you in the future, un petit extrait encore de Parade. Les Violet Minefields, What do I gotta do? Voilà. The Licorice Experiment, Pair of Boots. Le mec qui se balade dans la rue, qui pense à une chose, c'est regarder leur pompe. Je me dépêche. Mouse and the Trap, Traps, pardon. The Moles. Donc, ouais, bref, j'ai oublié. C'est pas grave. Harmonic 33, Juliette Gréco. Et au tout début, Parade. Bonne nuit.